l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Pantin, la requincaillerie. Salut Claire. Bonjour. Eh ben vas-y, rentre. C'est notre caverne d'Ali Baba. Donc caverne parce qu'on est en sous-sol d'un HLM, comme tu peux le voir. Et donc c'est ce lieu qu'on appelle qui est notre local. Notre camp de base, on va dire, le camp de base de la requincaillerie, où on y trouve le bureau, où on gère tout l'aspect vie d'assaut, réunion et administratif. Et donc un espace qui fait à peu près 80 mètres carrés, dans lequel on stocke nos outils, principalement nos outils, notre matériel de récup, donc quincaillerie et beaucoup de bois et de morceaux de meubles récupérés à droite à gauche, voilà. Puis on a aussi un petit espace atelier, un peu de travail, où on fait quelques bricolages de préparation des lieux, mais où malheureusement on n'accueille pas de public. Alors qu'en fait, c'était un des projets principaux de la requincaillerie, d'ouvrir ce que nous, on nomme une fabricothèque, un peu en pendant de la médiathèque. On va à la médiathèque pour se cultiver, et on irait à la fabricothèque pour fabriquer, plutôt que d'aller acheter dans la grande distribution des meubles ou des équipements de la maison qui ne sont pas forcément toujours de super qualité. Donc voilà, c'était de proposer une alternative, un peu d'être l'atelier au fond du jardin, des gens qui n'ont pas de jardin et qui n'ont pas d'atelier au fond du jardin, et souvent pas les outils et pas d'espace pour bricoler, parce qu'on vit sur un territoire où les logements sont petits, chers, et où les gens n'ont pas la place même d'avoir un lieu pour couper un bout de bois, pour bricoler, quoi, tout simplement. Donc ce serait un lieu de ressources pour le bricolage, pour les habitants du quartier. De la même façon, vous voyez que la bibliothèque de quartier est un lieu de ressources pour se cultiver y a des bibliothèques dans chaque quartier ou dans chaque petite commune en France, et bien pourquoi il n'y aurait pas une fabricothèque dans chaque quartier ou dans chaque commune en France? Et donc, Ici, vous bricolez, vous ? Assez peu, hein. On bricole quelques petits projets de fabrication, généralement de préparation ou de prototypage pour préparer les activités qu'on propose dans d'autres lieux. Mais même nous, pour nos activités de bricolage, et parfois il se trouve qu'on a des chantiers, on a des gros équipements, des meubles à construire, on s'arrange avec d'autres partenaires pour trouver d'autres lieux, parce qu'ici c'est pas adapté, notamment au niveau de l'aération pour de la menuiserie. Donc voilà, par contre c'est parfait pour du stockage parce que c'est en sous-sol, c'est hyper sécure, il fait frais l'été et chaud l'hiver. Et voilà, donc on arrive au bout de l'été, on a eu plusieurs activités assez importantes qu'on a beaucoup transporté de caisses d'outils et de matériaux et puis qu'on n'a pas forcément eu le temps de les ranger, donc on pourrait dire que c'est un gros bordel. De meubles entassés et de boîtes, caisses d'outils mal rangées. Puis ça va vite, hein. Attends, je vais te préparer un café. Donc, on a quand même une petite cuisine. J'étais en train d'essayer de lessiver le sol. Ce qui n'était pas une mauvaise idée. Ça sent le vinaigre blanc. Ça sent le vinaigre un petit peu. Parce que oui, effectivement, on essaye de faire quand même un peu attention aux produits qu'on utilise. Parmi les ateliers qu'on propose, on ne fait pas que du bricolage, on fait aussi, et ça nous est arrivé de proposer des ateliers de fabrication de produits ménagers, à base de produits non toxiques, enfin ayant peu d'impact sur l'environnement, type vinaigre blanc et trucs comme ça, et puis ça fait un peu partie de notre identité. Même si là je vais te faire un café pas très écologique, parce que simplement la cafetière n'est pas là. Donc, comme on a récupéré un truc comme ça, on va faire comme ça. Bon, ça va, c'est pas les capsules en alu. On n'est pas très fiers de nous quand même. Bon, le truc fuit, hein, c'est pour ça qu'on l'a récupéré d'ailleurs, mais... forcément. Quand on travaille dans un dans une asso comme la requincaillerie, on récupère plein de trucs un peu cassés, non? Ouais, et alors aussi parce que notamment, c'est pas encore très clair notre activité pour certaines personnes qui pourtant nous aiment bien, mais qui nous confondent assez souvent avec soit des ressourceries, soit avec des repères café, à café réparation. Et donc, il arrive assez souvent que, alors qu'on anime un atelier de bricolage, on ait des gens qui arrivent avec des vieux grille-pains cassés ou des machines comme ça et qui nous disent « Ah, vous allez être contents !» Pour l'instant, même si on est partenaire, on a bossé en partenariat avec des ressourceries. Mais nous, on est sur le volet récup, justement, puisque c'est un volet important de notre projet qui est vraiment de contribuer au développement d'une culture de la récup, du réemploi, dans une logique voilà, d'économie circulaire et d'un mode de consommation moins axé sur l'exploitation des matières premières, puis leur destruction. Donc nous, on récupère surtout du meuble et du matériau, des éléments de meuble qu'on peut récupérer. Donc qui peut être, alors ça peut être du tissu, ça peut être... du bois, évidemment, il y a beaucoup de bois, tous les types de bois, du métal, de la quincaillerie aussi, qui est quand même au cœur même de notre nom, en fait. Nous, à la base, requincaillerie, c'est parce qu'on voulait un peu proposer l'alternative aux grandes quincailleries de la grande distribution, disons. Alors, c'était pour trouver justement tout ce qui tourne autour du bricolage à la maison. Ouais, à la base on s'était dit la ressourcerie de l'équipement de la maison, quoi. Parce qu'on constatait que les rues, notamment en région parisienne, sont remplies de matériaux. Les encombrants, en fait, c'est des matériaux. Un meuble cassé, c'est du bois, des charnières. Qu'un petit lot de 4 charnières dans une grande surface de bricolage, ça peut coûter 3-4 euros et que en 5 minutes dans la rue, on en trouve une centaine, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais... Mais pas tant que ça, et que on se dit c'est quand même assez absurde d'aller payer, même si c'est des petites sommes, je veux dire, on a tous fait des travaux chez nous, on s'est tout de suite rendu compte qu'acheter des trucs à 5 euros, à la fin on avait quand même pour 200 euros de facture à la caisse, de proposer une alternative, puisque les trois quarts de ce qu'on met dans notre caddie, dans ces magasins-là, en fait, on le trouve dans la rue quand on a le temps, l'espace pour le stocker, un peu l'œil et des habitudes, un peu de savoir comment s'en servir. Et donc c'était vraiment ça, lutter contre le gaspillage, mais aussi proposer des alternatives moins coûteuses, parce que, voilà, des gens qui ont... on va passer dans le bureau, là, j'ai fini les cafés. Des gens qui ont peu de moyens et qui se retrouvent à devoir aménager des logements sans compétences, donc ils se retrouvent un peu démunis dans ces immenses grandes surfaces à remplir leur caddie et ça, voilà, ça coûte cher et c'est absurde d'aller dépenser de l'argent pour une étagère alors que y a du bois partout dans la rue, qu'il suffit de deux cornières et d'une planche coupée sur mesure pour faire une étagère qui permet de meubler son logement. Et qu'en plus, on croit assez profondément que c'est beaucoup plus enrichissant et épanouissant de fabriquer soi-même des objets, de les personnaliser, que d'acheter du prêt à consommer, souvent de mauvaise qualité, souvent avec un bilan, une empreinte écologique assez catastrophique, puisque fabriqué très loin, dans des pays... les conditions de travail sont pas forcément idéales, ou pas. Bref, et donc voilà, en gros, l'historique de la requincaillerie, c'est vraiment de contribuer à développer une culture de ce type, et aussi de faire soi-même, évidemment, faire ensemble, parce que c'est comme ça qu'on s'émancipe de tout un tas de travers de la société de consommation, on pourrait dire, et aussi qu'on s'épanouit, je pense, qu'on exprime sa créativité, qu'on est beaucoup plus heureux d'avoir un meuble qui nous ressemble, et puis d'avoir des réflexes assez simples. Je recale le pied de la table qui branle plutôt que de soit d'avoir une table branlante, soit de la mettre aux encombrants et d'aller en acheter une autre. Et donc, dans cette optique-là, on essaye au maximum d'être sur une logique de proposer, notamment dans le cadre des animations qu'on fait, toujours une logique d'utiliser des outils assez simples, pas des outils trop techniques, trop compliqués à utiliser, donc des outils accessibles à tous, et notamment pas trop chers, ou qui puissent être accessibles justement dans des lieux comme la Fabricothèque qu'on va installer, ou des Fab Labs, ou des lieux accessibles. Quand c'est par exemple une perceuse à colonne, on ne va pas demander à tout le monde d'avoir une perceuse à colonne chez soi. Ça a été un peu une question sur les matériaux, parce que quand même les 90% de ce qu'on trouve dans la rue sur les vieux meubles, c'est de l'aggloméré. Déjà, ça pose une question un peu d'un point de vue écologique, puisque c'est donc des miettes de bois agglomérées avec de la colle chimique. Bon, il se trouve qu'en fait, celui qu'on récupère, généralement, il est inerte parce qu'il a déjà fini d'émaner ses toxines d'une certaine façon. Donc, quelque part, tant mieux, mais quelque part, en y trouvant un débouché, on encourage un peu la filière. Mais bon, donc, essayer d'utiliser au maximum des matériaux, aussi des structures de meubles, la quincaille, les charnières, les connecteurs en métal, les structures métalliques des tables, par exemple en formica ou des choses comme ça qu'on trouve facilement, de montrer comment on peut réutiliser et en faire des trucs chouettes et comment les nettoyer, comment les... Je regarde juste derrière toi, donc on est dans le bureau de cette association dont tu parles, la Requincaillerie, où vous récupérez ces matériaux. Et là, vous avez construit un bureau en L avec deux portes. Ça a l'air super simple, juste avec des pieds rajoutés. C'est ultra simple. Les portes, c'est chouette pour faire des bureaux. Quoique ça, c'était des portes vraiment basiques. Je pense que c'est, en fait, ce sont des portes qu'on a démontées, parce qu'on a dû démonter certaines portes ici, qu'on avait stockées. Bon, ça fait des bons plans de travail, parce qu'une porte, c'est épais, c'est costaud. Et puis, c'est très simple. Enfin, voilà, un format bureau le long d'un mur, avec deux pieds et des petites charnières. C'est simple comme bonjour. On a fait ça très rapidement. Et donc, voilà. Donc, ça m'amène un peu à la question de qu'est-ce qu'on fait comme activité. Notre principale activité depuis 3 ans qu'on tourne, c'est des activités qu'on propose à des partenaires qui sont principalement des collectivités, mais aussi des bailleurs sociaux, des entreprises aussi, ou des administrations diverses. D'un côté, des ateliers participatifs avec une vocation plus sensibilisation et pédagogie, ou en gros sur des événements, souvent des événements marqués, par exemple Semaine du développement durable ou des choses comme ça. Des ateliers avec des thématiques, j'apprends à retaper un meuble, j'apprends à retapisser un meuble. On a eu aussi des thématiques plus liées à la déco de la maison, des choses comme ça. Souvent des thématiques définies avec le partenaire en fonction des attentes possibles de son public. Donc voilà, ça c'est des journées d'ateliers où on anime, généralement avec 2 animateurs, on a un atelier mobile. Donc, on a notre atelier mobile qui nous permet de transformer... Un petit camion ? Non, l'atelier mobile, en fait, sont des éléments... Alors là, justement, ils ne sont pas là parce qu'ils sont rangés dans un box. Mais c'est plusieurs blocs. Donc, il y a 2 gros établis qui se déplient. Des espèces de petits supports à roulettes sur lesquels on peut fixer, par exemple, une perceuse à colonne, une scie pendulaire, des choses comme ça. Et puis, des systèmes de rangement d'outils qui nous permettent de transformer un peu n'importe quelle salle assez rapidement, ou un lieu en plein air, par exemple dans un parc, en atelier. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'étais allé à Quincaillerie. Fait que le gars, il dit bonjour, est-ce qu'on peut vous aider ? Ouais. Je t'apprends à faire le calking de mon évier nul. Là, je regarde d'un bord, ça dépasse de 3,16. L'autre bord, ça dépasse de 5,32. Fait que là, je cherchais une boat pour le chimer d'un bord, mais là, j'ai pas bonne boat. Il dit, ça me prendrait une vis à tête plate de 2 pouces et quart par 3,8. Ta boat qui va avec. Il dit, oui, oui. Il dit, ça va vous prendre un rubber gasket. Il dit, oui, oui. Je dis, oui, j'suis allé à Quincaillerie, dire des affaires de Quincaillerie. Tu me dis souvent que j'te raconte rarement ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais comme tu peux voir, y'a des affaires qui se racontent mal, mais j't'aime pour la vie. Fait que baby, assieds-toi, prends-toi un autre café, j'ai pas fini de te raconter. Puis ça, il dit travaillez-vous avec un box ratchet? J'ai dit non. Il dit oh, ça va vous en prendre un. J'ai dit de l'oyolo, les deux, yolo, les deux. Non, j'ai pas dit ça au monsieur. Je le dis maintenant pour agrémenter un peu. Fait que là, je dis, t'as-tu juste des vis à tête plate? T'as pas de vis à tête le fun? Pis là, je dis, oh, baby, t'as poigné-tu? Ah ben, quelle coïncidence, l'a pas poigné lui non plus. Il dit, en tout cas, la caisse est là-bas. J'ai laissé le ratchet là. Je te raconte la quincaillerie. Parce que j't'allais à quincaillerie. Tu me dis tout le temps que jamais, je te parle tout le temps, jamais de ma vie. Ça m'a vraiment pas souvent tenté de parler de ça, mais toi tu es ma belle amie. Fait que vois-tu mon cœur, c'est pour son castor, je te parle de la quincaillerie. Demain, baby, on sort la belle nappe. Je vais te raconter la cour à scrap. On récupère surtout, on a des contacts avec des architectes, avec des entreprises de construction, et on récupère des fins de chantier, où là on peut récupérer des gros bassins et tout, parce que bon, sur un chantier, le chef de chantier, pour être sûr de ne pas être pris de court, il commande toujours plus large que ce dont il a besoin. Donc généralement, à la fin du chantier, il lui reste des matériaux qui n'ont même pas été utilisés, qui ne sont même pas de la récupérer. Alors, il y a aussi les deux bois qu'on peut récupérer sur des déconstructions, des démolitions. Bref, on n'a pas de problème pour récupérer du bois, vraiment. On a du problème pour le stocker. Donc vous, vous n'utilisez pas que de la palette, là? On n'utilise pas que de la palette, parce que la palette, c'est pas l'alpha et l'oméga de la récup, et qu'on en a en plus un petit peu marre de voir ces aménagements de terrasses en palette neuve. Dans des lieux branchés, voilà, et qu'il faut quand même savoir qu'une palette, à la base, a une fonction dans l'économie globale, elle sert à des activités de logistique, et que quand on utilise une palette pour faire un banc, une palette encore fonctionnelle pour faire un banc, et ben, il faut bien en reproduire une en l'autre bout de la chaîne pour la remplacer dans le système global. Alors évidemment que ça nous arrive de récupérer des palettes sur le bord de la route de temps en temps, parce que c'est quand même un matériau qui peut être pratique. Mais nous, pour ces chantiers-là, notamment d'extérieur, on a besoin, pareil, de bois un peu costaud et qui résiste aux intempéries. Donc votre projet, il est assez original, parce qu'au final, vous n'êtes pas une ressourcerie, recyclerie, vous êtes un peu à l'interface, quelque chose qui... Voilà, les matériaux... On est quand même membre du REFER, qui est le réseau francilien du réemploi, qui est un peu la structure qui a été montée par le réseau des ressourceries en Île-de-France. On n'est pas une ressourcerie au sens où on n'a pas de lieu d'espace de vente où on accueillerait du public, mais on aimerait bien que dans la future fabricothèque qu'on compte encore monter, il y ait un espace ressourcerie de matériaux qui pourrait être à prix libre et qui n'aurait pas forcément le statut de ressourcerie, mais qui est cette vocation. Et on a quand même des financements et des activités au titre de la prévention des déchets dans la mesure où on explore quand même des filières de réemploi dans le cadre des animations. En fait, vous n'êtes pas une ressourcerie recyclerie, vous êtes spécialisé sur les matériaux, le bricolage, mais au final, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, la requincaillerie, ou alors une asso un peu comme vous, que ça existe en fait, une vraie grosse matériothèque, comme une sorte de magasin de bricolage, ouais. Mais de seconde main. Quitte à proposer un magasin de bricolage de seconde main, autant proposer aussi un atelier à côté, vu que les gens ne peuvent pas bricoler. Et puis qu'en plus, on a vu que même, pour citer Leroy Merlin, ils sont en train de mettre en place des ateliers pour apprendre à utiliser les matériaux qu'ils vendent. Donc l'idée, et puis on trouvait quand même intéressant le monde des Fab Labs et tout. Même si l'univers des Fab Labs, qui est hyper axé sur le numérique, les nouvelles technologies, qu'il y a des Fab Labs, on rentre dedans, il n'y a pas une perceuse, pas un établi, c'est que des ordinateurs et des machines qui sont en plus quand même assez difficiles d'accès au grand public et qui fait qu'en fait, dans les Fab Labs, on trouve... Alors, c'est très bien qu'il y ait ça, mais il y a quand même essentiellement des designers, des gens, des créateurs d'entreprises ou des artisans. Même on pensait que le terme Fab Lab et tout, ça allait faire peur. Donc c'est pour ça, fabricothèque, c'est plutôt le lien avec bibliothèque. avec cette logique de c'est un lieu qui accueille tout le monde, c'est pas compliqué de rentrer dans une bibliothèque, on veut pas que ça soit compliqué d'aller à la fabricothèque, même si ça risque quand même que l'adhésion soit plus chère qu'à la bibliothèque. Mais ça, c'est une autre question qu'on n'a pas encore. Pour l'instant, nous, on a fait que des expériences éphémères à prix libre sur des friches qu'on partageait avec d'autres acteurs, des occupations éphémères de sites. Alors, mais, du coup, qu'est-ce qui vous manque? Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un espace de 500 mètres carrés. Voilà. Et 500 mètres carrés ou plus. Alors, on est sur des pistes. Ça fait un bout de temps qu'on est sur des pistes, d'ailleurs. On a été partenaire d'un projet qui s'appelait Mobilab, soutenu par Est Ensemble, et qui nous a permis d'avoir un lieu, mais que, malheureusement, qui était un lieu éphémère et surtout ouvert, donc pas du tout exploitable en hiver, et très difficile à surveiller. Par contre, on était sur... comme on n'a absolument pas les moyens de payer un espace de cette superficie au prix du marché actuellement, même si on se pose des questions parce qu'on voit des locaux d'activités qui sont vides depuis 10 ans, 15 ans, mais quand on demande le prix, c'est des prix délirants, on aurait envie de leur dire « mais peut-être que moins cher, ça ne serait pas vide ». Mais bon, ça, c'est des choses qui nous dépassent aussi. On est plutôt dans une logique de partenariat avec la collectivité. Comme il y a une mode des occupations éphémères, voire éphémères un peu à long terme, on est positionné sur des candidatures pour des lieux dont on attend quelques réponses. Et puis c'est toujours des montages complexes avec plein de partenaires institutionnels et des prises de décision lentes et tout. Et avec, on espère, un partenariat avec le SICTOM, qui est le syndicat de gestion des ordures ménagères. Voilà, et on a pas mal de demandes de partenaires qui s'intéressent, notamment en été, sur des événements. Voilà, on installe et on propose des activités de fabrication autour de l'équipement de la maison. Sur des plus gros événements, puisque dernièrement on a développé un plus gros événement, on propose plusieurs. C'est nous-mêmes qui organisons, toujours en partenariat avec généralement une collectivité. Donc on appelle ça la grosse bricolade, et il y a un côté plus ludique. Ça reste sur le même thème, sauf qu'on fait plusieurs stands. Donc il y a des stands plus pour enfants, fabrication de petits jeux, ils écrivent leur nom avec des lettres en bois. Donc c'est plus initiation à la menuiserie avec un côté ludique. Et puis des ateliers beaucoup plus pour adultes sur le requinquage de meubles, parce que on dit pas restauration, parce que la restauration c'est un vrai métier d'ébéniste qui implique des techniques et des coûts de travail qui sont bien supérieurs. Nous, ce qu'on propose aux gens, c'est de l'auto-restauration. C'est-à-dire que nous, on les conseille, on leur montre avec des outils simples, des techniques qui sont accessibles, comment retaper, nettoyer ou ressangler, poncer, vernir, huiler, bon, tout un tas de techniques. Et on donne des conseils pour qu'ils fassent eux-mêmes la retape ou la transformation, l'embellissement, relookage de leurs meubles. Donc on appelle ça requinquage de meubles. Bon, c'est un petit clin d'œil au nom de notre asso. Parce que c'est un peu générique, ça, à la fois de la retape et de l'embellissement, et de donner une nouvelle jeunesse, en fait. Et donc voilà, donc ça c'est le volet plus animation, on va dire animation-sensibilisation. Et puis il y a un autre volet qui est le chantier participatif, où là ce sont des activités généralement sur plusieurs, sur des périodes plus longues, avec une vraie objectif d'ameublement. Donc ça a été, par exemple, la maison des associations de Pantin avait transformé, donc a rénové ses équipements, et on a fait deux salles, donc la cafétéria et une salle d'accueil du public, rééquipées entièrement avec que des matériaux de récup. Et nous, on encadrait un groupe de participants qui étaient en fait les adhérents et des bénévoles des salariés d'ailleurs, enfin les membres d'associations résidentes sur la maison, donc les bénéficiaires entre guillemets. Où on a fait la même chose donc avec la ressourcerie demain à Aulnay, Blanc-Ménil, où là on encadrait la ressourcerie donc à ses effectifs salariés. Mettait à disposition pour chaque journée de chantier un certain nombre des salariés donc, qui étaient affectés à notre activité. Nous, on leur montrait comment fabriquer des choses. Donc, il y avait une logique aussi de formation. Et donc, on a fait aussi d'autres chantiers participatifs comme ça. Et dernièrement, ce qu'on a pas mal développé, c'est en partenariat avec les bailleurs sociaux sur des résidences d'HLM, quoi. Avec les habitants, des aménagements, que ça soit de l'espace extérieur, par exemple l'aménagement de jardins partagés, ou d'espaces de pique-nique, ou de mobilier d'extérieur. Et donc on aimerait bien, on a monté un projet qu'on a pour l'instant eu du mal à mettre en place, mais qu'on ne désespère pas de relancer avec d'autres partenaires. C'était dans le cadre en gros d'un chantier participatif qu'on a fait avec un bailleur sur une petite cité, c'était à Noisy-le-Sec, d'aménagement d'une cuisine pour une association qui venait de se monter, une association du quartier. Donc c'était les membres de l'association qui voulaient faire c'est une association d'animation locale, et il y avait dans le sous-sol d'un bailleur un lieu qui pouvait être aménagé en cuisine. Donc on a aménagé une cuisine tout en réemploi avec eux, en essayant au maximum de piocher dans le local à encombrants. Aussi avec le discours que plus les encombrants sont réemployés, moins ça fait de boulot pour les gardiens et pour le bailleur, parce que pour les bailleurs, la question des encombrants est un lourd problème qui leur coûte cher. Et donc, eux, c'est très facile de discuter avec eux de la question de réduire, même si, bon, évidemment, pour l'instant, on est sur des volumes qui ne changent pas grand-chose à la masse globale. Mais l'idée était qu'on avait constaté qu'à côté du local encombrant, il y avait une petite pièce qui ne servait à rien. Et c'était l'idée que un collectif, d'essayer de monter sur la base du chantier qu'on allait mettre en place et des contacts qu'on allait pouvoir mettre, monter un petit collectif d'habitants du quartier qui serait intéressé par la question, qui pourrait gérer dans cet espace de faire régulièrement des séances. Nous, au début, on les encadrait, et puis après, ils auraient continué tout seuls, de démonter des meubles, de récupérer sur les encombrants les matériaux réemployables, de les ranger dans des étagères de façon plus simple, comme un mini magasin où il y aurait les panneaux de bois d'un côté, les longueurs de bois de l'autre, la quincaille récupérée, et puis d'aller voir, de trouver un partenaire ou que le bailleur finance l'achat d'un petit stock d'outils partagés, des outils simples, une scie sauteuse, une perceuse et tout, mais qui puissent être empruntés par les habitants dans un logique de petite régie de quartier autogérée, de petits outils tech de quartier qui seraient gérés par les habitants, parce que là, c'était un quartier où il y avait une vie associative assez forte. Et donc, voilà, on a des contacts actuellement avec d'autres bailleurs sur lesquels on va commencer des projets ou on voudrait voir. Et ce qui serait intéressant, on a eu aussi une discussion, alors je crois que c'était dans des réunions avec l'office de Montreuil, sur l'idée que même les bailleurs, et ça pourrait ne pas être que les bailleurs, mais les architectes qui bossent, c'est-à-dire que ça soit des copros ou des ensembles d'habitat social, mais dans le logement collectif, qu'il y ait une réflexion sur les parties communes et pourquoi pas des espaces d'atelier, des espaces de bricolage, des espaces de récup, de stockage de matériaux, une gestion des encombrants. Donc voilà, on aimerait bien développer cet aspect-là parce qu'en plus, c'est un vrai levier pour proposer une autre forme de rapport à l'équipement de la maison et notamment pour toucher des publics qui ne sont pas forcément dans les Fab Labs, qui ne sont pas forcément hyper branchés sur les questions de réemploi et de bricolage ou j'en sais rien, mais qui en ont besoin parce que matériellement, une expédition à Brico machin, ça leur flingue leur budget du mois, quoi. Eh bien, Paul, merci beaucoup. Donc, la requincaillerie à Pantin, on peut trouver des infos Alors, il y a un site, il y a notre site qui vivote. on annonce surtout nos activités sur la page Facebook. Alors il y a le lien vers la page Facebook sur le site. Je crois qu'on n'est pas obligé d'avoir une page Facebook pour la consulter. On va avoir aussi une présence sur le marché de l'église à Pantin tous les mois à partir de début octobre pour du conseil bricolage et proposer des petits services comme ça. Voilà. C'est un partenariat avec la ville de Pantin et Est Ensemble qui a permis ça. On va tester. Merci. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.